Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport en parlant de patinage de vitesse sur courte piste. En fin de semaine, c'était les qualifications canadiennes qui se déroulaient au centre Maurice Richard. Et évidemment, Marianne Saint-Jean hein, qui a survolé la piste en fin de semaine. Elle a terminé au premier rang. Par contre, Marianne s'est faite quand même chauffer par Kim Boutin qui a terminé en deuxième place. Cassandra Bradette de Saint-Félicien a terminé au septième rang. Rosalie Tremblay a terminé au 21e rang. Maud Tremblay de Debout-Mississippi, 28e. Léonie Bradette de Saint-Félicien, 28e. Et également Catherine Mailloux a terminé au 29e rang. Pendant ce temps-là, ça se déroule à Saint-Georges-Vézina, la troisième étape du circuit de l'Est du Québec. Et Olivier Collard de Saint-Félicien a pris le 4e rang. Maintenant, on va parler de hockey. Les Saguenay de Chicoutimi ont joué pour 500 fin de semaine. Ils ont gagné 3-2 contre le Drakkar de Baie-Comeau. Olivier Galipeau a marqué le but. Et à noter que du vainqueur, Vincent Tremblay-Lapalme a aussi marqué, de même que Frédéric Allard. Les Saguenay qui ont perdu 3-1 contre l'Armada de Bainville-Boisbriand, ça se déroulait vendredi soir pour les Saguenay. Joey Rattel a marqué le seul but. Du côté de Shawinigan maintenant, les Cataractes étaient en Abitibi en fin de semaine. Ils ont joué contre les Huskies de Rouyn-Noranda de Gilles Bouchard et ça s'est soldé par une défaite de 5-1. Dans ce match, Samuel Girard a été blanchi. Et autre défaite, cette fois le 3-2 contre les Foreurs de Val-d'Or. Samuel Girard a amassé une passe dans la rencontre. Maintenant, dans le match d'hier entre l'Armada de Mainville-Boisbriand et le Drakkar de Baie-Comeau, qui s'est soldé par une victoire de 4-3 de l'Armada, Jean-Simon Bélanger de l'Adoré a marqué son premier but de la saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Maintenant, on va parler de la Ligue junior régionale. Il y avait un match qui nous intéressait, deux matchs, je veux dire, qui nous intéressaient. Ça s'est soldé par d'abord les Sabres de Robertval qui ont gagné 6-3 contre les Aiglons d'Alma et les Aiglons qui ont gagné 4-2 contre les Éperviers de Normandin. Du côté midget régional, le Marcos Pop de Saint-Félicien a gagné 8-2 contre le National de Labbé. Maintenant, au niveau bantam, maintenant régional, les Rapides de Dolbeau-Mississippi étaient dans un tournoi à Trois-Rivières. Et ils se sont inclinés 5-1 contre les Mariniers de Sorel-Tracy. Auparavant, les Rapides avaient gagné 5-2 contre Lakeshore en quart de finale. Ailleurs, dans le circuit, dans la Ligue Bantam régionale, Massouillage a perdu 5-0 contre les Patriotes. Et la saison très difficile des ambassadeurs de Pogamo s'est poursuivie. Défaite de 8-2 et 4-1 contre les Saguenayens de Chicoutimi. Au curling, maintenant, à Chicoutimi, en fin de semaine, se déroulait un tournoi junior provincial. Et l'équipe de Christopher Gagnon a gagné 4-1 sur Jérôme Alain de Val-d'Or pour la médaille de bronze. Donc l'équipe de Dolbeau-Mississippi a terminé en troisième place. Et en crossfit, l'équipe de Catherine Saint-Gelais participait en fin de semaine à une compétition à Miami. La Catherine Saint-Gelais qui est de Saint-Félicien, qui est la sœur de Marianne Saint-Gelais, elle a terminé en deuxième rang, elle et son équipe, en catégorie élite. Donc ça se déroulait en Floride. Le sport local et régional? AdanRadioSport.com, on s'en occupe.